بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je jure par cette cité, et tu es libre dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. S'imagine-t-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Et il dit, j'ai dissipé une grande fortune. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. S'imagine-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux, une langue et deux lèvres? Ne lui avons-nous pas indiqué les deux voies? Pourquoi ne s'est-il pas engagé dans la voie escarpée? Et qui te dira ce qu'est la voie escarpée? C'est de libérer un esclave, de nourrir en un jour de famine, un parent orphelin ou un pauvre dans le dénuement. C'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement la patience et la compassion. Ceux-là seront les gens de la droite. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mais ceux qui ne croient pas en nos versets seront les gens de la gauche, et le feu se refermera sur eux.